Section 2 de Le blé en herbe par Colette. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Bidou. Chapitre 4. Phil atteignit le premier le chemin. Deux ornières de sable sec, mobiles comme une onde. Un talus médiant d'herbes rares et rongées de sel. Par où les charrettes viennent chercher les goémons après les grandes marées. Il s'appuyait sur les perches des deux hafnets et portait en bandoulière les deux paniers à crevettes. Mais il avait abandonné à Vinca les deux minces gaffes à pâtés de poissons crus et son blazer de pêche, l'œil précieuse amputée de ses manches. Il s'accorda un repos bien gagné et consentit à attendre sa petite compagne fanatique qu'il venait d'abandonner dans le désert de rocs, de flaques et d'algues que découvrait la grande marée d'août. Il la chercha des yeux avant de se laisser glisser au creux du chemin. En bas de la plage déclive, parmi les feux de 100 petits miroirs d'eau d'où rejaillissait le soleil, un béret de laine bleue, décoloré comme un chardon des dunes, marquait la place où Vinca, obstiné, cherchait encore la crevette et le tourteau rosé. « Si ça l'amuse !» souffla Philippe. Il se laissa glisser, épousa délicieusement de son torse nu l'ornière de sable frais. Près de sa tête, il entendait dans les paniers le chuchotement humide d'une poignée de crevettes et le grattement intelligent des pinces à gros crabe contre le couvercle. Phil soupira, atteint d'un bonheur vague et sans tache, auquel la fatigue agréable, la vibration de ses muscles encore tendus par l'escalade, la couleur et la chaleur d'un après-midi breton, chargé de vapeurs salines, versaient chacune leur part. Il s'assit, les yeux éblouis par le ciel laiteux qu'il avait contemplé, et revit avec surprise le bronze nouveau de ses jambes, de ses bras. Bras et jambes de 16 ans, minces, mais d'une forme pleine, d'où le muscle sec n'avait pas encore émergé, et qui pouvait enorgueillir une jeune fille autant qu'un jeune homme. Il essuya de la main sa cheville qui saignait, écorchée, et lécha sur sa main le sang et l'eau marine qui mêlait leur sel. La brise, soufflant de terre, sentait le regain fauché, l'étable, l'amande foulée. Un rose poussiéreux, au ras de la mer, remplaçait peu à peu le bleu immuable qui régnait depuis le matin. Philippe ne sut pas se dire « Il est peu d'heures dans la vie où le corps content, les yeux récompensés et le cœur léger, retentissant, presque vide, reçoivent en un moment tout ce qu'ils peuvent contenir, et je me souviendrai de celle-ci. » Mais il suffit pourtant d'une clarine fêlée et de la voix du chevreau qu'il a balancée à son cou pour que les coins de sa bouche tressaillissent d'angoisse et que le plaisir emplisse ses yeux de larmes. Il ne se tourna pas vers les rochers mouillés où errait son ami, et de son émotion pure ne s'exhala point le nom de Vinca. Un enfant de 16 ans ne saurait appeler, au secours d'un délice inespéré, une autre enfant, peut-être pareillement chargée. « Hep, petit !» La voix qui l'éveilla était jeune, autoritaire. Phil se tourna sans se lever vers une dame tout de blanc vêtue qui enfonçait, à 10 pas de lui, ses hauts talons blancs et sa canne dans le chemin du Goémon. « Dis-moi donc, petit, je ne peux pas mener mon auto plus loin dans ce chemin-là, n'est-ce pas ?» Par politesse, Philippe se leva, s'approcha, et ne rougit que quand il fut debout, en sentant, sur son torse nu, le vent rafraîchi, et le regard de la dame en blanc, qui sourit et changea de ton. « Pardon, monsieur, je suis sûr que mon chauffeur s'est trompé. J'ai eu beau l'avertir. Cette route finit en sentier et ne va que vers la mer, n'est-ce pas ?»« Oui, madame, c'est le chemin du Goémon. »« Du Goémon ? Et à quelle distance se trouve le Goémon ?» Phil n'eut pas le temps de retenir un éclat de rire que la dame blanche imita complaisamment. « J'ai dit quelque chose de drôle ? Prenez garde, je vais vous retutoyer. Vous paraissez 12 ans quand vous riez. » Mais elle le regardait dans les yeux, comme un homme. « Madame, le Goémon, ce n'est pas le Goémon, c'est du Goémon. » Lumineuse explication, approuva la dame blanche, et donc je vous suis bien obligée. » Elle raillait d'une manière virile, condescendante, qui avait le même accent que son regard tranquille. Et Philippe se sentit tout à coup fatigué, penchant et faible, paralysé par une de ces crises de féminité qui saisissent un adolescent devant une femme. « Vous avez fait bonne pêche, monsieur ?»« Non, madame, pas beaucoup, c'est-à-dire... « Vinca a plus de crevettes que moi. »« Qui est Vinca, votre sœur ?»« Non, madame, c'est une amie. »« Vinca, un nom étranger ?»« Non, c'est-à-dire, ça signifie pervenche. »« Une amie de votre âge ?»« Elle a 15 ans, j'en ai 16. »« 16 ans, répéta la dame blanche. » Elle ne fit aucun commentaire et ajouta un moment après. « Vous avez du sable sur la joue. » Il s'essuya la joue avec comportement à s'écorcher la peau, puis son bras retomba. « Je ne sens plus mes bras, songea-t-il. » « Je crois que je vais me trouver mal. » La dame blanche délivra Philippe de son regard tranquille et sourit. « Voici Vinca. dit-elle en désignant le tournant du chemin où la jeune fille apparaissait, allant un filet à cadre de bois et le veston de Philippe. « Au revoir, monsieur !»« Phil !» dit-il machinalement. Elle ne lui tendit pas la main et le salua d'un signe de tête, deux ou trois fois répété, comme une femme qui répond « oui, oui » à une pensée cachée. Elle n'était pas encore hors de vue quand Vinka accourut. « Phil, qu'est-ce que c'est de cette dame ?» Des épaules et de tout le visage, il exprima qu'il n'en savait rien. « Tu ne la connais pas et tu lui parles ?» Phil toisa sa petite amie avec une malice qui renaissait en lui et secouait un joug passager. Il percevait joyeusement leur âge, leur amitié déjà troublée, son propre despotisme et la dévotion hargneuse de Vinka. Ruisselante, elle montrait des genoux meurtris de Saint-Sébastien, parfaits sous leur épiderme balafré. Des mains d'aide jardinier ou de mousse. Un mouchoir verdi la cravatait, et son blouson sentait la moule crue. Son vieux béret poilu ne luttait plus avec le bleu de ses yeux, et, sauf ses yeux anxieux, jaloux, éloquents, elle ressemblait à un collégien, déguisé pour une charade. Phil se mit à rire, et Vinka frappa du pied, et en lui jetant son blazer à la figure. « Veux-tu me répondre ?» Il passa nonchalamment ses bras nus dans les emmanchures vides du veston. « Bête, va ! C'est une dame avec son auto qui se trompait de route. Un peu plus, l'auto s'enlisait ici. Je l'ai renseigné. Ah !» Assise, Vinka vidait ses espadrilles, d'où pleuvaient les graviers mouillés. « Et pourquoi est-ce qu'elle est partie si vite, jusqu'au moment où je venais ?» Philippe prit son temps avant de répondre. Il goûta de nouveau, en secret, l'assurance sans geste, le ferme regard de l'inconnu et son sourire méditatif. Il se souvint qu'elle l'appelait « Monsieur », gravement. Mais il se souvint aussi qu'elle avait dit « Vinka », tout court, d'une manière trop familière et un peu injurieuse. Il fronça les sourcils et son regard protégea l'innocent désordre de son ami. Il rêva un moment et trouva une réponse ambiguë qui satisfaisait en même temps son goût du secret romanesque et sa pudibonderie de jeune bourgeois. « Elle a aussi bien fait » répondit-il. Chapitre 5. Il essaya de la prière. « Vinka, regarde-moi, donne-moi la main, pensons à autre chose. » Elle se détourna vers la fenêtre et retira doucement sa main. « Laisse-moi, je suis découragée. » La grande marée d'août, amenant la pluie, emplissait la fenêtre. La terre finissait là, à la lisière du pré sableux. Encore un effort du vent, encore un soulèvement du champ gris labouré d'écume parallèle, et la maison, sans doute, voguerait comme une arche. Mais Phil et Vinka connaissaient la marée d'août et son tonnerre monotone, la marée de septembre et ses chevaux blancs échevelés. Ils savaient que ce bout de prairie demeurait infranchissable, et leur enfance avait nargué, tous les ans, les lanières savonneuses qui dansaient, impuissantes, au bord rongé de l'empire des hommes. Phil rouvrit la porte vitrée, la referma avec effort, fit tête au vent et tendit son front à la pluie fine, vannée par la tempête, la douce pluie marine un peu salée, qui voyageait dans l'air comme une fumée. Il ramassa sur la terrasse les boules cloutées d'acier et le cochonnet de buis, abandonné le matin, les tambourins et les balles de caoutchouc. Il rangea dans une resserre ses jouets qui ne l'amusaient plus, comme on range des pièces d'un déguisement qui doit servir longtemps. Derrière la fenêtre, les yeux de la pervenche le suivaient, et les gouttes glissantes, le long de la vitre, semblaient ruisseler de ses yeux anxieux, d'un bleu qui ne dépendait ni de l'étain jaspé du ciel, ni du plomb verdi de la mer. Phil plia les fauteuils de bois, retourna à la table en rotin. Il ne souriait pas en passant à sa petite amie. Depuis longtemps, il n'avait plus besoin de se sourire pour se plaire, et rien aujourd'hui ne les conduisait à la joie. « Encore quelques jours, 3 semaines, » se dit Phil. Il essuya le sable de ses mains à une touffe de serpolet mouillé, chargé de fleurs et de petits frelons saisis par la pluie, qui attendait, engourdi, le prochain rayon. Il respira sur ses paumes le frais parfum chaste et résista à une vague de faiblesse, de douceur, à une tristesse d'enfant de 10 ans. Mais il regarda contre la vitre, entre les longues larmes de la pluie et les corolles tournoyantes des volubilis défaits, le visage de Vinka, ce visage de femme qu'elle ne montrait qu'à lui et qu'elle cachait à tous, d'ailleurs ses 15 ans de jeune fille raisonnable et gaie. Une éclaircie retint l'averse dans la nuit. Entrouvit au-dessus de l'horizon une plaie lumineuse d'où s'épanouit un éventail renversé de rayons d'un blanc triste. L'âme de Philippe s'élança au-devant de cette trêve, quêtant le bienfait, la détente que ses 16 ans tourmentés revendiquaient naïvement. Mais tourné vers la mer, il sentait derrière lui la fenêtre fermée, et Vinka, appuyée à la vitre. « Encore quelques jours, se répéta-t-il, et nous serons séparés. Que faire ?» Il ne songea même pas que la fin des vacances, l'an dernier, avait fait de lui un jeune garçon malheureux, puis

comme la graine têtue qui, nourrie de peu, y fleurissait. Il hissa, resserrant ses bras en ceinture, le gracieux corps qui se faisait lourd, et éveilla son ami d'un appel bref. « Vinka, allons !» Elle le contempla debout, au-dessus d'elle, le vit résolu, impatient, et comprit que l'heure de mourir était passée. Elle retrouva, avec un ravissement indigné, le rayon du couchant dans les yeux noirs de Philippe, ses cheveux désordonnés, sa bouche, et l'ombre, en forme d'aile, que dessinait sur sa lèvre un duvet viril, et elle cria « Tu ne m'aimes pas assez, Phil, tu ne m'aimes pas assez !» Il voulut parler et se tut, car il n'avait pas de noble aveu à lui faire. Il rougit et baissa la tête, coupable d'avoir, alors qu'il glissait vers le lieu où l'amour ne te manque plus, avant le temps, ses victimes, traiter son ami comme les pas précieux et scellés, dont le secret seul importe, et refuser Vinka à la mort. Chapitre 6. L'odeur de l'automne, depuis quelques jours, se glissait le matin jusqu'à la mer. De l'aube à l'heure où la terre, échauffée, permet que le souffle frais de la mer repousse l'arôme, moins dense, des sillons ouverts, du blé battu, des engrais fumants, ces matins d'août sentaient l'automne. Une rosée tenace étincelait au pied des haies, et si Vinka ramassait à midi quelques feuilles de tremble, mûres et tombées avant son heure, le revers blanc de la feuille encore verte était humide et diamanté. Des champignons moites sortaient de terre, et les araignées des jardins, à cause des nuits plus fraîches, rentraient le soir dans la resserre aux jouets et s'y rangeaient sagement au plafond. Mais le milieu des journées échappait aux raies de la brume d'automne, au fil de la vierge tendue sur les ronciers chargés de mûres, et la saison semblait rebrousser chemin vers juillet. Au haut du ciel, le soleil buvait la rosée, putréfiait le champignon nouveau-né, criblait de guêpes la vigne trop vieille et ses raisins chétifs. Et Vinka, avec Lisette, rejetait du même mouvement le léger spencer de tricot qui protégeait depuis le petit déjeuner le haut de leurs bras et leurs coups nus, bruns hors de la robe blanche. Il y eut ainsi une série de jours immobiles, sans vent, sans nuages, sauf des queues de chat, laiteux, lents, qui paraissaient vers midi et s'évanouissaient. Des jours, si divinement pareils l'un à l'autre, que Vinka et Philippe, apaisés, pouvaient croire l'année arrêtée à son plus doux moment, mollement entravée par un moins d'août qui ne finirait pas. Vaincus par la félicité physique, ils pensèrent moins à la séparation de septembre et quittèrent leur dramatique humeur d'adolescent déjà vieilli, à 15 et 16 ans, par l'amour prématuré, le secret, le silence et l'amertume périodique des séparations. Quelques jeunes voisins, leurs compagnons de tennis et de pêche, laissèrent la mer pour la Touraine. Les villas les plus proches se fermèrent. Philippe et Vinka demeurèrent seuls sur la côte, dans la grande maison dont le hall de bois verni sentait le bateau. Ils goûtèrent une solitude parfaite, entre des parents qu'ils frôlaient à toute heure et ne voyaient presque pas. Vinka, occupée de Philippe, remplissait pourtant tous ses devoirs de jeune fille, cueillait au jardin des viornes et des clématites pelucheuses pour la table, au potager, les premières poires et les derniers cassis. Elle servait le café, tendait à son père, au père de Philippe, l'allumette enflammée, coupait et cousait des petites robes aux Lisettes, et vivait, parmi ses parents fantômes qu'elle distinguait mal et entendait peu, une vie étrange. Elle y endurait la demi-surdité, la demi-cécité agréable d'un commencement de syncope. Sa jeune sœur Lisette échappait encore au sort commun et brillait de couleurs nettes et véridiques. Lisette ressemblait d'ailleurs à la pervenche, comme un petit champignon ressemble à un champignon plus grand. « Si je mourrais, disait Vinka à Philippe, tu auras toujours Lisette. » Mais Philippe haussait les épaules et ne riait pas, car les amants de 16 ans n'admettent ni le changement, ni la maladie, ni l'infidélité, et ne font place à la mort dans leur dessein que s'ils la décernent comme une récompense, ou l'exploitent comme un dénouement de fortune, parce qu'ils n'en ont pas trouvé d'autre. Pas le plus beau matin d'août, Phil et Vinka décidèrent d'abandonner la table familiale et d'emporter, dans une anse à leur taille, leur déjeuner, leur maillot de bain et Lisette. Les années précédentes, ils avaient souvent déjeuné seuls en explorateur, dans des creux de falaise. Plaisir usé, plaisir gâté maintenant par l'inquiétude et le scrupule. Mais le plus beau matin rajeunissait jusqu'à ses enfants égarés et qui se tournaient parfois plaintivement vers la porte invisible par où ils étaient sortis de leur enfance. Philippe alla devant sur le chemin de la douane, portant les havenets pour la pêche d'après-midi et le filet où tintait le litre de cidre mousseux et la bouteille d'eau minérale. Lisette, en chandail et maillot de bain, balançait le pain tiède noué dans une serviette, et Vinka fermait la marche, fistée de sweaters bleus et de culottes blanches, chargée de paniers comme un âne d'Afrique. Au tournant accidenté, Philippe criait sans se retourner. « Attends, je vais prendre un des paniers !»« Ce n'est pas la peine !» répondait Vinka. Et elle trouvait moyen de diriger Lisette, quand les fougères hautes submergeaient la petite tête et sa calotte de raides cheveux blonds. Ils choisirent leur crique, une faille entre deux rochers, que les marées avaient pourvue de sable fin, et qui s'évasait encore de l'abondant jusqu'à la mer. Lisette quitta ses sandales et joua avec des coquilles vides. Vinca roula sur ses cuisses brunes sa culotte blanche et creusa le sable humide sous une roche pour y coucher au frais les bouteilles. « Tu veux que je t'aide ?» proposa mollement Philippe. Elle ne daigna pas répondre et le regarda en riant silencieusement. Le bleu rare de ses yeux, ses joues assombries par le phare chaud qu'on voit au brugnon d'espalier, la double lame courbe de ses dents, brillèrent un moment avec une force de couleur inexprimable dont Philippe se sentit comme blessé. Mais elle se détourna, et il la vit sans trouble aller et venir se baisser agilement, libre et dévêtue comme un jeune garçon. « On le sait, va, que tu n'as apporté que ta bouche pour manger !» cria Vinca. « Ah, ces hommes !» L'homme, de 16 ans, accepta la raillerie et l'hommage. Il la plaça vers Morlisette quand la table fut mise, mangea les sandwichs que lui beurrait son ami, but le cidre pur, trempa dans le sel la laitue et les dés de gruyère, lécha sur ses doigts l'eau des poires fondantes. Vinca veillait à tout, comme à un jeune échanson au front sain d'une bandelette bleue. Elle détachait pour Lisette l'arête des sardines, dosait la boisson, pelait les fruits, puis se hâtait de manger, à grands coups de ses dents bien plantées. La mer descendante chuchotait bas, à quelques mètres. Une batteuse à grains bourdonnait là-haut, sur la côte, et la roche, barbue d'herbes et de fleurettes jaunes, distillait près d'eux une eau sans sel qui sentait la terre. Philippe s'étendit, un bras plié sous la tête. « Il fait beau » murmura-t-il. Vinca, debout, les mains occupées à essuyer couteau et verre, laissa tomber sur lui le rayon bleu de son regard. Il ne bougea pas, cachant le plaisir qu'il ressentait lorsque son ami l'admirait. Il se savait beau à cette minute, les joues chaudes, la bouche lustrée, le front couché dans un désordre harmonieux de cheveux noirs. Vinca reprit sans mot dire sa besogne de petite squaw, et Philippe ferma les yeux, bercé par le reflux, une lointaine cloche de midi, la chanson à mi-voix de Lisette. Un prompt et léger sommeil descendit sur lui, sommeil de sieste, percé par chaque bruit, mais utilisant chaque bruit au profit d'un rêve tenace. Gisant sur cette côte blonde, après une dînette d'enfant, il fut en même temps un fil très ancien et sauvage, dénué de tout, mais originairement comblé, puisqu'il possédait une femme. Un cri plus haut l'obligea à soulever ses paupières. Près de la mer que l'éclat de midi et la lumière verticale privaient de sa couleur, Vinca, penché sur Lisette, soignait quelque écorchure, tirait une épine d'une petite main levée et confiante. L'image ne troubla pas le songe de Philippe, qui referma les yeux. « Un enfant, c'est juste, nous avons un enfant !» Son rêve viril ou l'amour, devant son l'âge de l'amour, se laissait lui-même distancer par ses fins généreuses et simples, fonça vers des solitudes dont il fut le maître. Il dépassa une grotte, un hamac de fibres creusé sous une forme nue, un feu rougeoyant qui battait de l'aile, un ras de terre, puis perdit son sens divinatoire, sa puissance de vol, chavira, et toucha le fond moelleux du plus noir repos. Fin de la section 2.